Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1 et nous vous proposons de partir en croisière, mais pas vraiment vers les rivages ensoleillés d'une de vos destinations de rêve, puisque nous mettons cap au nord. Et non seulement nous mettons cap au nord, mais en plus nous allons sonder les abîmes de l'océan Arctique à la découverte de la dorsale Lomonosov. Nous y allons de notre chronique avec notre chroniqueur nordique qui nous a emmenés dans le Nord à plusieurs reprises. Il s'agit de Frédéric Bouchard. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors Frédéric, on a entendu parler de cette fameuse dorsale il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous faire un rappel des faits? Tout à fait. Vous rappelez-vous, François, mois d'août 2007, vous rappelez-vous de ce drapeau russe planté au pôle Nord, au fond de l'océan Arctique, par des scientifiques à bord de mini-sous-marins, des scientifiques russes. En tout cas, à l'époque, le gouvernement canadien ne l'avait pas trouvé très, très drôle. Le ministre des Affaires étrangères du Canada à l'époque, Peter MacKay, avait dit, et je cite, « On n'est plus au 15e siècle, on ne peut plus aller n'importe où dans le monde planter un drapeau et dire « voilà, ce territoire-là est à nous ». En fait, à cette époque-là, le Canada avait également des ambitions territoriales au pôle Nord, mais il n'y avait juste pas les moyens de faire la même chose, de planter son propre drapeau. Et au centre de ce qu'on pourrait appeler cette ruée vers le Nord, une formation géologique sous-marine de presque 2000 km de long qui sépare en deux l'océan Arctique et qui s'appelle la dorsale de Lomonosov. Mais Frédéric, pourquoi tout ce branle-bas scientifico-politique pour une simple structure géologique? Oui, on peut dire, dans le fond, c'est juste des roches. Hein, c'est pour, ça. Pourquoi s'en soucier? Ben, on peut dire que cette saga-là avait débuté, était déjà en cours au début des années 2000. Hein. Déjà, à cette époque, on percevait des indices de la diminution de l'étendue puis de l'épaisseur aussi de la banquise dans l'océan Arctique à cause du réchauffement climatique qui est très prononcé dans le Nord par rapport aux autres régions. D'une part, on prévoyait évidemment des impacts négatifs comme la perte d'habitat pour l'ours polaire, l'ours blanc dont on entend beaucoup parler. Mais d'autre part, on voyait aussi déjà les possibilités que pourrait offrir dans le futur une navigation accrue dans l'Arctique. Donc plus de trafic maritime, plus d'échanges commerciaux. Et enfin, on pourrait dire, et surtout, on anticipait des redevances importantes provenant des énormes ressources naturelles, minières, pétrolières et gazières que pourraient potentiellement contenir les fonds marins dans l'Arctique. Or, en droit maritime international, les pays côtiers ont ce qu'on appelle une ZEE, une zone économique exclusive, qui peut s'étendre jusqu'à 200 000 marins, 200 000 nautiques au-delà des côtes. 200 000 marins, c'est environ 370 km, un peu plus la distance Québec-Montréal. D'accord. Et à l'intérieur de cette zone-là, chaque pays côtier peut s'approprier, réglementer toute activité économique, ce qui inclut évidemment l'exploitation des ressources naturelles. Et si un pays veut réclamer une forme de souveraineté sur un territoire qui va au-delà de sa zone économique exclusive, dans les eaux donc internationales, il doit en faire la demande, déposer un dossier finalement. Et c'est dans ce contexte-là qu'en décembre 2001, la Fédération de Russie a déposé son dossier de revendication à l'ONU. Et c'est vraiment à l'ONU que ces négociations se déroulent? Ouais, c'est l'organisme. En fait, il existe une commission maritime des Nations Unies qui évalue les dossiers en accord avec ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est une convention qui a été signée par plusieurs pays dans les années 80, ratifiée par de nombreux pays dans les années 90, plus récemment ratifiée par le Canada. Donc, et cette convention-là détermine si un pays peut ou non revendiquer un territoire au-delà de sa zone économique exclusive, au-delà de ses 200 000 marins. Donc, et le dossier va être considéré comme acceptable ou recevable lorsque l'État en question peut démontrer que la partie de territoire réclamé et le prolongement de son propre territoire continental, ce qu'on appelle son plateau continental. Okay. Bon, là, vous demandez peut-être c'est quoi le plateau continental, et c'est là qu'on met un petit peu de géologie là-dedans. Le plateau continental, c'est la zone marine peu profonde, en général en bas de 200 mètres de profondeur. Donc, c'est cette zone qui peut s'étendre assez loin des côtes, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, surtout parce que le talus, la pente est très faible. C'est ça. C'est presque plat. Un exemple près de nous, dans le fond, c'est le plateau continental au large de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, les grands bancs de Terre-Neuve. Hein. C'est peu profond et ça s'en va comme ça sur plusieurs centaines de kilomètres. Okay. Mais revenons au dossier de revendication de la Russie en 2001. Ils s'appuyaient, le dossier russe, sur le fait, selon eux, que le plateau continental russe, donc on parle de la Sibérie et vers le nord, donc le plateau continental russe se prolonge dans l'océan Arctique jusqu'au pôle Nord. le long d'une importante structure géologique, la fameuse dorsale de Lomonosov. Et en détail, Frédéric, c'est quoi en fait cette dorsale? Ben, pour bien comprendre ça, imaginons-nous, essayons de s'imaginer qu'on est au-dessus de l'océan Arctique, au-dessus du pôle Nord, mm-hmm. donc, et qu'on regarde vers le bas avec une belle grande vue d'ensemble comme ça. Donc, ce qu'on voit, c'est une immense étendue d'eau, recouverte une bonne partie de l'année de glace, donc l'océan Arctique, mm-hmm. entourée de toutes parts par des grosses masses continentales, donc le Canada, évidemment. Et si on fait le tour dans le sens mm-hmm. des aiguilles d'une montre, l'Alaska, la Sibérie de l'autre côté, la Scandinavie, et on revient par le Groenland, comme ça, à l'est du Canada. Donc, masse d'eau entourée de masses continentales. Et au beau milieu de tout ça, la dorsale de Lomonosov sépare le bassin Arctique en deux, presque en deux parties égales, et traverse comme ça l'océan Arctique de part en part, depuis les îles de la Nouvelle-Sibérie, au nord de la Sibérie, uh-huh. jusqu'au large du Groenland et de l'île d'Ellesmere, qui est une des îles de l'archipel arctique canadien. Okay. Donc, en gros, c'est comme une espèce de chaîne de montagnes sous-marines. La largeur varie entre 60 et 200 kilomètres de large, et ça s'élève à plus de 3000 mètres au-dessus du plancher océanique environnant. Okay. C'est pour ça qu'il faut s'imaginer vraiment les rocheuses, mais uh-huh. sous l'eau. C'est ça. Et donc, on pense qu'il s'agirait d'un ancien morceau de croûte continentale qui se serait fracturé il y a plusieurs dizaines de millions d'années. C'est ce que les géologues pensent. Mais il faut comprendre, c'est encore un peu incertain, nébuleux, tout ça, parce que, évidemment, c'est pas évident d'aller picosser de la roche, d'aller faire du terrain en plein milieu de l'océan Arctique quand c'est recouvert de glace une bonne partie de l'année. Oui, c'est ça. Et cette dorsale-là a donc été découverte en 1948 par une expédition soviétique nommée en l'honneur de Mikhail Lomonosov, un personnage vraiment hors du commun. Et est-ce que tu peux nous en parler justement brièvement de ce Lomonosov? Mais très brièvement, je crois qu'on pourrait y revenir dans une future chronique uh-huh. dédiée exclusivement au bonhomme. Mais mettons que c'est un personnage typique des Lumières, disons simplement qu'il a excellé dans des domaines aussi variés que chimie, physique, astronomie, métallurgie, géographie, histoire, littérature, linguistique, pédagogie et même l'art de la mosaïque. Et c'est pas tout. Il a été poète officiel à la cour impériale de Russie, il a été professeur à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg et fondateur de l'Université de Moscou qui porte aujourd'hui okay. son nom. Donc un bonhomme qui s'intéressait à un paquet de choses finalement. Il y a même un cratère sur la Lune qui porte son nom aujourd'hui. Donc okay. c'est tout dire. Donc, pas étonnant donc que l'équipe de scientifiques qui avait découvert la dorsale, qui était une équipe de soviétiques à l'époque, pas étonnant qu'elle ait le nommé en son nom. Fin de la parenthèse. Quelle est donc l'importance de la dorsale de Lomonosov dans la géopolitique du Nord? C'est très important parce que ça relie, cette structure géologique-là relie le plateau continental de Sibérie, d'un côté de l'Arctique, à celui du Canada et du Groenland, de l'autre côté. Mm-hmm. Et cette dorsale-là passe très près du pôle Nord dans sa partie centrale. Mm-hmm. On comprend donc pourquoi la Russie, dès 2001, puis par la suite le Danemark à cause du Groenland, et le Canada, évidemment, plus récemment, ont déposé à l'ONU des dossiers de revendication territoriale au-delà de leur fameuse zone économique exclusive. Donc, dans le prolongement de leur plateau continental. Et si la tendance actuelle se poursuit et puis que le réchauffement climatique prononcé dans l'Arctique se maintient au cours du prochain siècle, comme le suggèrent de toute façon les modèles climatiques, donc l'océan Arctique serait libre de glace une bonne partie de l'année, ce qui implique évidemment un trafic maritime beaucoup plus important. Par le passage du Nord-Ouest, j'imagine? Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, on est au nord du passage du Nord-Ouest. Okay. On est carrément okay. là, dans l'océan, en plein milieu de l'océan Arctique, okay. vis-à-vis le pôle Nord. Et donc, on s'imagine qu'il y aurait, par exemple, un trajet maritime nettement raccourci entre l'Europe et l'Asie, uh-huh. mais aussi, évidemment, des nouvelles frontières pour l'exploration des ressources naturelles qu'on dit offshore, ou les ressources naturelles en milieu marin. Et ça, évidemment, ça fait quand même saliver les grandes puissances, n'est-ce pas? Effectivement. Et en fait, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Est-ce que les revendications canadiennes sont-elles fondées? Ben, les revendications canadiennes... pas tellement fondé apparemment, du moins pour l'instant. Disons uh-huh. que, pour l'instant, l'affirmation de la souveraineté du Canada dans l'Arctique, incluant le pôle Nord, C'est plutôt politique que scientifique ou basé sur les faits pour l'instant. Il y a des travaux préliminaires de cartographie géologique qui ont été réalisés cette année, mais c'est bien peu, certains diraient trop peu, trop tard, en comparaison de ce que les Russes ont accompli jusqu'à maintenant. Hein? Donc, comme je disais tout à l'heure, dès le début des années 2000, les Russes avaient déposé un dossier et ils ont soumis une nouvelle demande cette année avec des nouvelles données appuyant leurs revendications, car la demande de 2001 avait été jugée un peu incomplète, mais ils ont fait leur devoir, ils sont revenus à la charge avec une nouvelle demande cette année. Donc, ils ont vraiment pris de l'avance sur le Canada. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ils ont fait ce qu'il y avait à faire avec les moyens qu'ils ont. C'est ça. En fait, il faut réaliser, la Russie, pour l'instant, le seul pays, peut-être, qui a les moyens de ses ambitions dans le pôle Nord, dans l'Arctique, soit des ports arctiques en eau profonde et une flotte de brise-glace assez puissante pour traverser la banquise à tout moment de l'année. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant au Canada. C'est un fait. D'ailleurs, le président monarque, Vladimir Poutine, n'a pas caché son intention de faire de la Russie la principale puissance de l'Arctique d'ici 2020. Donc, 2020, c'est quoi? C'est demain matin, finalement. Là. Donc, ça va être un dossier à suivre avec intérêt dans les prochaines années. Ben merci beaucoup, Frédéric, d'avoir fait le point sur ce dossier chaud de l'Arctique. On va maintenant passer en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on plonge dans le passé à la découverte de l'origine du vin avec Marie-Claude Dionne.